بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم. Le tout clément, le tout miséricordieux. مالك يوم الدين. Souverain du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous cherchons l'assistance. Guide-nous sur la voie droite. Voie de ceux que tu as comblés de grâce, non celle des réprouvés, ni celle des égarés.